Bienvenue à Web Music. Vous êtes avec Simon Roy. Donc, on avait débuté l'émission avec la pièce intitulée One Thing Someone. C'est par le groupe Candle Gravity. C'est publié sur l'étiquette japonaise Bunkie K Records. Nouvelle étiquette pour moi, un peu difficile de naviguer le site parce que c'est en japonais. Mais grâce à Google Translate, toujours capable de savoir à peu près ce qui se passe sur le site. Donc, ben, c'est ça, comme à l'habitude, je vous fais l'invitation de venir faire un tour sur le site de WebMusic. C'est au www.webmusic.ca. Sur le site, vous allez retrouver la playlist de l'émission ainsi que tous les liens pour télécharger les pièces entendues à l'émission. Sans plus attendre, donc, on va poursuivre avec Otis, avec sa pièce Unknown, un peu de jazz glitch abstrait, vous allez voir, assez intéressant. C'est un style qu'on n'entend pas très souvent dans le monde net audio. Donc, je vous ai choisi une pièce, comme je vous disais, intitulée Unknown. Tout de suite après, de Colombie, c'est Atomos. Je vous fais passer sa pièce Persecution. C'est sur l'étiquette Sonidos Anonymous. Donc, ben, c'est ça, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Yeah. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre de la Colombie Atomos, un peu de rock instrumental vraiment sympathique. C'était la pièce Persecution. C'était sur l'étiquette Sonidos Anonymous. On avait débuté ce bloc avec Otis, avec la pièce Unknown, un peu de jazz glitch à tendance assez abstraite. C'était tiré de son album Mental Experience. On poursuit avec un artiste que j'aime bien, c'est Egg Nebula. C'est aussi, donc c'est l'alias de Syndrome, un artiste français qui est derrière le net label Pavilion 36 Recordings. Donc toujours des albums de qualité sur Pavilion 36. Un peu de drum and bass, donc c'est ça, une pièce de Egg Nebula. Je vous fais entendre la pièce de Red Line. Ensuite de ça, sur Block Sonic, qui donc propose toujours des albums, je pense c'est peut-être eux autres dans le monde du net audio qui ont les plus belles présentations d'albums, pochettes, tous les liens pour télécharger. Donc Block Sonic, c'est toujours du travail vraiment intense. Je vais vous faire entendre un artiste de l'Angleterre, c'est Lyndon Scarfy. Je vous fais entendre sa pièce Separation, c'est tiré d'une fausse trame sonore de film. C'est donc le... La pièce, excusez-moi, est tirée de l'album Music for a Lost Film, donc titre vraiment bien porté. Donc, c'est ça, on va écouter Lyndon Scarfy tout de suite après Egg Nebula, qu'on écoute tout de suite. We'll be right back. Une pièce de trame sonore pour un film qui n'existe pas encore. C'est tiré de l'album Music for a Lost Film. C'était par Lydon Scarfe. C'était sa pièce Separation. C'était sur l'étiquette Block Sonic. Avant ça, c'était Egg Nebula avec sa pièce de Red Line. C'était publié ça sur l'étiquette NKS International. Beaucoup d'albums en téléchargement gratuit sur l'étiquette. Allez visiter NKS International si la musique gratuite vous intéresse, ils ont plein de bons albums à proposer. On poursuit peut-être, oui, avec une petite pause, puis je vous reviens tout de suite après. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Les lundis soirs, Tania Bellacasse et Jean-Sébastien Grondin s'unissent pour vous offrir Réactions psychotiques, du rock décapant, explosif et psychédélique. Vos lundis ne seront plus jamais les mêmes. Soyez les nôtres dès 20h30. C'est KRL. Something I picked up, a knack of going along with someone else's song. De retour à Web Musique pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. Mon nom est Simon Roy. Donc, on va poursuivre l'émission avec un truc publié sur une de mes étiquettes fétiches. Il s'agit de l'étiquette française Vatican Records. C'est tiré de la compilation Sampler 29. Donc, c'est D-Drone. J'ai pas plus d'informations que ça à propos de l'artiste. Il semble être assez invisible sur les internets. Je vous fais tout de même entendre sa pièce Trick As 2. Ensuite de ça, sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, je vous fais entendre de Sofia en Bulgarie, c'est Mista 93. Je vous fais entendre sa pièce Dirty, Fat and Nasty. Une pièce complètement planante de Spectra Sierra, c'est le pseudonyme de Devin Underwood, un artiste américain. C'était sa pièce Day One, publiée sur l'étiquette Basic Sounds. C'était tiré de son album, attendez un peu, Scarlet Hill. Avant ça, c'était Mr. 93, un artiste de la ville de Sofia en Bulgarie. C'était sa pièce Dirty, Fat and Nasty. C'était ça sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Et on avait débuté ce bloc quand même assez long avec D-Drone, sa pièce Trick As 2. C'était sur l'étiquette française Vatican Records. On poursuit avec un artiste canadien de la ville de Victoria. Il s'agit de Cord. Je vous fais entendre sa pièce Hanging On To What I Know. Ça va être suivi par Audio Dropout avec sa pièce Jazz E. C'était la pièce Jazz E par l'artiste audio Dropout, pièce vraiment excellente tirée de son album Get Down with the Tempo. Avant ça, c'était Cord, un artiste de la ville de Victoria au Canada. C'était sa pièce Hanging on to What I Know. Ça va déjà être tout malheureusement pour Webmusic. Je vous invite à vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez retrouver la playlist et vous allez pouvoir donc télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez même télécharger les albums au complet. Tout ça vous est offert gratuitement sans absolument aucun engagement de votre part. Restez à l'écoute, ça va être la croche-oreille tout de suite après avec Jean-Pierre Gay, donc un peu d'art audio pour vous. Nous, on se quitte sur une dernière pièce de Andrés Marcos. C'est publié sous l'étiquette Wonder Machine Music. Je vous fais entendre sa pièce « Les contes du marché ». Donc, c'est ça, on se laisse là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous à compter de 20h la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Thank you.